watch when you bubbly, bubbly. Serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two back the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Restez bien sur Fun Radio, l'Happy Hour d'Audrey, 17h-20h en direct, arrive dans quelques secondes. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Et on se termine l'après-midi ensemble avec une petite nouveauté, une découverte Fun Radio. Dès qu'il sort quelque chose, c'est complètement déjanté et original. Bah, c'est le nouveau Aaron Chupa sur Fun avec Grand Pass Groove. Pour une nouvelle journée ensemble là, sur Fun Radio avec toute l'équipe qui est au taquet ou pas? On est présent, on est en force ici. Comment va Fab? Bien, Fab il va bien. Le wesh de l'équipe, qu'est-ce qu'il se passe? Wesh, quoi, parce que j'ai une casquette? Ah bah c'est ça, aujourd'hui il est en mode casquette, pull, training, petite écharpe de Ronnie là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est toi le Ronnie déjà, ouais. De un, tu vas te calmer. Et de deux, je voudrais passer un message à tous les insectes qui habitent chez moi. D'accord. Il faudrait arrêter de prendre mon crâne pour un hôtel de reproduction. J'ai des boutons sur toute la tête. C'est pour ça que j'ai une casquette. Attends, vas-y, retire la casquette que je mette un peu pour voir. Juste pour. Oh putain! Oh la vache! Oh là là là là là là là! Oh là là, vous voyez pas ça, vous, de l'autre côté de la radio, mais sérieux? T'as des bosses, vieux? Ouais, je crois qu'il y en a, il a pondu dans ma tête. J'ai des yeux. À un moment donné, ça peut éclore, tu vois. Et t'as déjà vu la vidéo du mec là avec l'araignée? Non, tais-toi. Il se trouve que t'as des bébés araignées dans la tête. Meurs. Non. Et Sandro, comment ça se passe au niveau du crâne? Moi tout va bien, il y a encore des tas de touffes de cheveux, donc tout va bien. La pète parce qu'il est poilu le fieu. Il y a Alison qui est là aussi. Coucou. Elle a des cheveux gris, mais c'est pas grave, elle est contente. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux gris, Alison? Bah c'est génétique. Ah bah oui, mais attends, dis aux auditeurs t'as quel âge juste pour rire. 25 ans. 25 ans, la meuf elle est grise. Il y a des teintures aussi. Je dis ça. Non, elle laisse aller son naturel. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Bon, côté son dance floor, on va commencer l'émission avec De Parakeet, il y aura Justin Timberlake. Et puis Fole Wadad aussi qui arrive dans moins de 5 minutes. Et alors, on a pensé à vous cette semaine. Je suis sûre que vous avez une journée de merde aujourd'hui. Vous avez envie de vous délasser, ben c'est cool. On vous envoie au terme de spa pour un petit programme bien-être concocté exprès pour vous. Si ça vous dit de repartir avec ce chouette cadeau, ben restez bien là, je vous explique tout ça juste après les infos. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Il est 17h, c'est l'heure de s'informer maintenant et c'est avec Carlo Morello que ça se passe. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Des millions d'Américains ont suivi le premier débat télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump la nuit dernière. Bah bon, pour eux, c'était le soir, hein, évidemment. Comme il fallait s'y attendre, l'ambiance était plutôt électrique entre les deux candidats à la Maison Blanche et des échanges musclés, même si Trump ne s'est pas montré trop agressif, en tout cas dans la forme. Comme il fallait s'y attendre, ce dernier a attaqué sa rivale sur cette fameuse histoire d'email ultra confidentiel envoyé sur sa messagerie privée. Et comme il fallait s'y attendre, Hillary Clinton a contre-attaqué sur le refus obstiné de Trump de publier sa déclaration d'impôt. Elle l'a aussi accusé d'avoir bâti sa carrière politique sur un mensonge raciste, lui qui a mis en doute la nationalité américaine du président Obama. Mais c'est le républicain qui a dit le plus de choses, accaparant près de 2/3 du temps de parole, notamment pour promettre de faire revenir les emplois aux États-Unis. Les deux rivaux s'affronteront encore à 2 reprises au cours du mois d'octobre, avant le rendez-vous crucial donné aux électeurs le 8 novembre. L'Allemagne et le racisme, ben on connaît, hein, et l'histoire a parfois une fâcheuse tendance à repasser les plats, si ce n'est que l'antisémitisme du XXe siècle a été remplacé par un racisme anti-arabe ou anti-musulman. Surtout depuis l'année dernière et l'afflux d'un million de demandeurs d'asile, le nombre de crimes et de délits racistes explose chez nos voisins, surtout dans la partie est de l'Allemagne, celle qui était communiste jusqu'à la fin des années 80. Et c'est ainsi qu'à Dresde, 2 attentats à la bombe ont été commis hier, notamment devant une mosquée où se trouvaient un imam, sa femme et leurs 2 enfants. Heureusement, personne n'a été blessé. La police a retrouvé les restes d'un engin explosif de fabrication artisanale et un autre engin artisanal a explosé une demi-heure plus tard sur la terrasse d'un centre de congrès de la ville. Là non plus, le sang n'a pas coulé. Pas évident de trouver un endroit sur cette planète où il y a moyen de respirer un air pur si on sait que 92% des habitants de la Terre vivent dans des lieux où les niveaux de qualité de l'air extérieur ne respectent pas les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, cette pollution fait quelque 3 millions de morts par an, comme quoi le fait que l'espérance de vie globale augmente est vraiment un exploit. Hein. Pour la directrice du département santé publique de l'OMS, il est urgent d'agir contre cette pollution atmosphérique, d'autant dit-elle que c'est tout à fait possible. Il existe des solutions comme des systèmes de transport plus viables, la gestion des déchets solides, l'utilisation de poêles et de combustibles propres pour les ménages, sans oublier les énergies renouvelables et la réduction des émissions industrielles. Fin de citation. Fun Radio. Côté son dance floor, c'est De Parakeet qui arrive dans moins de 5 minutes. Et puis on va vous expliquer comment faire là pour aller vous délaisser au terme de spa. Tout ça, ça arrive juste après la météo, Carlo. Avec des températures qui sont encore plus élevées demain. On devrait gagner 1 ou 2 degrés, va faire quasiment chaud. Avec un temps toujours sec, mais en début de journée, pas mal de nuages tout de même. Voilà, prochain rendez-vous info dans 1 heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de De Parakeet. Salut. Les prix cadeaux, le service et la qualité Krefel, c'est Krefel Bordel. Nos magasins sont ouverts ce dimanche. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Save me, save me. Sur Fun Radio, il y aura aussi Folly Wadad. Et alors, si vous êtes fan de Sound of Legends, restez bien là parce que je vous cale son nouveau titre dans moins de 5 minutes. Avant ça, je voudrais quand même qu'on applaudisse la commune de Uccle. S'il vous plaît, bravo. Oh mon dieu, on est tombé sur une info là dans l'équipe en papotant un peu. Il y a quand même la commune de Uccle qui a fait la plus grosse connerie de leur life, je crois. Hein. Là, ils ont été foutre un horodateur. Vous voyez ce que c'est? C'est le truc qui vous demande des sous là quand vous vous garez. Ouais, là. C'est arnaque. Oh, oui. Ah, c'est chiant, hein. Tu dois mettre une pièce, ils te donnent un ticket. Enfin bon, bref, moi je paye jamais moi de toute façon. Ah, ça me non, ça me saoule parce que chaque fois le rodateur, il est loin. Faut aller jusque le rodateur, revenir à la voiture, remettre le ticket, repartir dans ce sens-là. C'est bon, ça me saoule. Moi, chaque fois que je suis le rebelle, j'ai une amende, moi. Ah oui, bah, je paye pas, j'ai moi aussi, 25 balles. À coût de 25 euros. Et du coup, à Uccle, ils ont fait un truc très très bizarre. Ils ont tapé le rodateur en plein milieu de la rue. Ah, vous savez, d'habitude, c'est sur le trottoir quand même. Normalement, ouais. C'est ça, c'est le principe, hein. Mais non, non, là, il est en plein milieu de la chaussée, le truc. En fait, ils t'ont entendu, ils se sont dit bon bah plus de prétexte, il est non. tout prêt maintenant. Attends, le pire, c'est que pour justifier leur connerie, ouais. Attends, à votre avis, c'était quoi l'excuse? Non, je vous laisse deviner parce que franchement, elle est tellement conne cette excuse que ça me fait trop rire. Mais y a pas d'excuse. Ah bah si, ils en ont donné une. Hein. C'était plus joli là. Non, c'était pas parce que c'était plus joli. Sandro, t'as une idée? Plus accessible. Bah non, Alison. C'est près d'une borne électrique pour brancher. Non, c'est pas ça non plus. Franchement, l'excuse, elle est encore plus conne que ça. Vous savez quoi? On va faire un truc. Pour tous ceux qui écoutent l'émission. À votre avis, pourquoi le rodateur, vu que c'est à Bruxelles pour ceux qui voient pas bien, s'est retrouvé en plein milieu de la rue? Pourquoi ils l'ont pas mis sur le trottoir? À votre avis, 3044 pour vos messages. Celui qui arrive à me trouver la bonne réponse, il repart avec du cadeau Fun Radio. On vous prend à l'antenne juste après le son de Justin Timberlake maintenant qui débarque sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. I don't need no reason, don't need control. I fly so high.

Bon après-midi sur Fun Radio, la suite du son, c'est avec The Chainsmokers que ça se passe, Closer. Et puis je vous l'ai promis, hein, le tout nouveau Sound of Legends, il est ici sur Fun Radio, ça arrive dans quelques minutes, bougez pas. Avant ça, on va accueillir Bob. Bob, tu viens de Bruxelles. Je suis sûre qu'on te l'a jamais faite, celle-là, Bob, hein. On me l'a fait souvent. Tu m'étonnes. Attends, mais il y a quoi qui est Bob? Il y a Bob l'éponge. Les porte-clés Bob. Il y a Bob le bricoleur. Le bricoleur. Mais toi, tu viens en enfer en fait. T'es pas quand t'es né au fait. Bon, Bob, si tu viens de nous rejoindre là dans l'émission, en fait, on parlait de l'eurodateur. Tu vois, à Uccle, à Bruxelles, ils ont été taper le truc en plein milieu de la rue. Donc, pas sur le trottoir. T'as vu, c'est énorme. Hein. Je vais vous mettre la photo d'ailleurs sur la page de l'émission à Piawar avec Audrey. Je trouve ce truc, mais complètement ouf. En fait, leurs stagiaires, ils sont encore moins bons que les nôtres. Ouais, c'est ça. Non, mais alors, du coup, et le pire, c'est qu'ils se sont justifiés. Ils ont voulu expliquer pourquoi ça s'était passé comme ça. Mais je trouve l'excuse tellement énorme que je vous ai demandé de deviner pourquoi. Voilà, quelle était l'excuse, à ton avis, Bob, pour que cet eurodateur se retrouve en plein milieu de la chaussée? Alors, moi, je pense que l'ingénieur civil a dû changer ses plans en dernière minute. Et donc, raccourcir des trottoirs. Mais c'est peut-être ça, hein, t'imagines. Tu crois vraiment qu'il y a un ingénieur derrière ça? Non, j'espère pas. Il y a tout sauf un ingénieur. Attends, mais c'est comme, tu te souviens, le mec, c'était où, à Dinan ou Namur, je sais plus, qui avait écrasé la mauvaise maison. Tu sais, il l'avait rasé. Ah oui, j'ai vu son portage. Bah, c'est fou, ça. On m'a dit de rabattre. Bah, ça se trouve, le gars, il a dit, on m'a dit de mettre, moi j'ai mis, hein. Voilà, hein, qu'est-ce que je te dise. Eh ben, Bob, c'était bien tenté, mais c'est pas ça l'excuse. Elle est encore plus conne que ça. Ah non? Bah, alors, c'est pas ça, mais bien tenté. Je te fais des gros bisous, mon Bob. Ah bah, t'as caressé à l'écoute de l'émission, je vais le dire. Bob, passe une bonne journée. Alors, vous voulez savoir l'excuse? Vas-y. L'excuse, c'est qu'en fait, il n'y avait plus de place sur le trottoir. C'est une blague. Mais non. Je te jure, ils ont dit ça dans la presse là, c'est énorme. T'imagines pourquoi vous l'avez mis là? Bah, parce qu'il n'y avait pas de place, tiens, chef, hein, qu'est-ce que je te dis? Là, je venais de mettre le rudateur et j'ai plus de place sur le trottoir. Je mets là le béton pour. Après, démerde-toi, tire ton plan. Et en même temps, c'est cool parce que tu peux payer direct depuis ta voiture. C'est comme un drive-in, c'est comme au McDo, tu vois. Sympa, ça. Tac. T'imagines, tu peux te faire écraser en allant chercher ton ticket aussi. Est-ce que c'est une excuse pour pas payer? Ah, peut-être. Oh, c'est pas bête. Il y a un passage piéton jusqu'au. Ah non, il y a pas. Ah, ben voilà. Donc c'est une infraction. Tu sais ce qu'on va faire, Fab? On va appeler la commune de Uccle. Tu vas les appeler en mode appel bruit de Fab, tu vois. Et tu vas leur proposer de mettre un passage pour piéton. C'est vrai que c'est dangereux. Heureusement que Sandro est là. Bah oui, c'est mignon, voilà. Bon, et ben parfait. On va chercher le numéro de la commune d'Uccle et on se fait ça dans quelques minutes. Côté Sand and Floor maintenant, c'est The Chainsmokers qui débarque. Il y aura Sound of Legends. Et puis juste après, je vous explique comment faire pour vous détendre au terme de spa. Ce sera juste après ça. Bougez pas. Dans la radio. Ce matin, c'était ça. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Oui, bonjour madame, monsieur Vacher, je fais des blind tests par téléphone. Est-ce que vous pouvez baisser votre télé, s'il vous plaît? Je vous ai pas compris. Oui, c'est normal, c'est parce qu'il y a Nagui qui parle fort derrière, il faudrait baisser un peu le son. Comment? Vous êtes bien équipé en matériel audio, c'est quoi, du Thomson? Du Glocom. Est-ce que vous avez du Thomson? Non, je n'ai pas de Glocom, non. Allez, bon appétit, va. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Souscrivez une assurance auto des AP Assurance avant le 15 octobre et recevez 2 mois gratuits. Allez vite sur lap.be pour les conditions et infos. Les AP Assurance. Monsieur le directeur. Jean-Pierre, si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé. Ils vont vous l'envoyer par coursier. Ce vendredi, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Euro-million, devenez scandaleusement riche. Inédit, du lundi au vendredi à 20h45 sur Plug RTL, touche pas à mon poste. On va revenir sur tout ce qui s'est passé à la télé pendant la semaine. Le meilleur et le pire de la télé, revu par Cyril Hanouna. C'est toujours un bonheur. Chronique, jeux, buzz et happening. C'est n'importe quoi. Inédit, touche pas à mon poste. Du lundi au vendredi à 20h45 sur Plug RTL. Le Plug RTL. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Like

nouveau tube Fun Radio. Fun. Sound of Legend. Blue. Blue. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Les sons Dance Floor. Sur Fun Radio, on passe la journée ensemble dans la Happy Hour avec le son de Rihanna et Drake qui arrive dans un instant. C'est Too Good. Et d'abord, bah c'est le trafic avec Mister Jacobus. L'infotrafic dans la Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Ça, c'est sûr que c'est pas un vrai commandant. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que vous n'avez pas la tête de l'emploi. Comment je peux vous dire ça autrement? C'est pas une casquette que tu vois sur mon tête. Ah, c'est une cape. Oui. Bon alors comment ça se passe sur les routes aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu la galère ou pas? Oui, comme tous les jours, hein. On dirait que les gens un jour ils espèrent que je dis ici oui bah tout va bien, rentre chez toi tranquillement, ça va aller. Ah well non, tu es dans le tunnel direction Basilic. C'est foutu, tu es à l'arrêt. Je vois ici trafic perturbé, donc ça veut dire qu'il va pas bien. Entre le N5, Flandre-Wallonie, tiens, comme c'est bizarre. Ça, c'est qu'on quitte de chez nous pour aller chez vous, hein, chez les chômeurs. Évidemment, tout le monde. Non, mais tu travailles pas, t'as le temps d'être dans ton automobile. Hein. 20 km/h de moyenne sur 3 km. Vas-y, amuse-toi bien ici avec ça. Je vois. Non, mais c'est pas drôle. J'aime si pas quand tu ris. Je vois ici, entre sur le E17 Gand, Antwerpen, à hauteur de Zwijndrecht. Mais c'est hein? Où ça? Je sais pas, mais j'avais envie de le dire. D'accord. Il y a un véhicule en panne qui fait chier tout le monde sur le banc de droite et il faut passer à côté. Bonne chance. Et alors, de nouveau, ici sur le ring 1, en direction de Linkeroever, quand tu pars de Antwerp, c'est près de chez moi. Ouais. Jacobus habite là-bas. Bonjour on les s'en vaches. Fout. De nouveau, et bonjour les vaches. Les auditeurs aiment bien connaître de moi des choses intimes. Non, okay. Jacobus aime son café avec du lait et de sucre. Je mange parfois des petites gaufres. Oui, bah c'est le bordel, de toute façon je suis les routes. Bon allez, bon courage pour tous ceux qui sont dans la voiture, qui sont dans les embouteillages. J'aime bien les Snoopy aussi, les petits bonbons. Sérieux, si vous avez des infos sur le trafic, allez-y. Vous nous les balancez 30-44 pour vos messages, comme ça on prévient tout le monde, là tous les auditeurs qui écoutent Fun Radio. On va enchaîner avec le son de Rihanna et Drake. Et puis je vois vos petits messages qui arrivent là de Véronique qui me dit: moi mon patron il m'a demandé de virer une personne, malheureusement je me suis trompée de personne. Oui, c'est ouf ça. Mais, parce que on parlait de l'eurodateur là qui a été planté en plein plein milieu de la rue à Uccle. Donc je suppose que l'ouvrier a quand même fait un peu une merde. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de faire une bêtise au boulot? La plus grosse bêtise de votre life, qu'est-ce que vous avez déjà fait? 30-44 pour vos petits messages. Il y a Nicolas qui me dit moi je suis serveur et j'ai tout renversé sur une cliente. Allez-y, on attend vos messages. On vous lit juste après le son de Rihanna et Drake maintenant sur Fun Radio. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience last night. I got high as the expectations last night. I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as expectations. Last night I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Ce sont le nouveau Feder qui arrive sur Fun Radio. Quoi ? Tu vous le cales dans moins 5 minutes ? Allez, vas-y, bouge ton corps, bébé, vas-y. Oh là là. Oh, je te jure, je l'écoute en boucle dans ma salle de bain sur YouTube, tu vois. Genre, je suis en train de niquer toute ma 4G là. Oh là là. J'adore le nouveau Feder, il arrive sur Fun Radio, bougez pas. Avant ça, on parlait des conneries qu'on a déjà fait au boulot parce que, bah, il y a un gars, je sais pas, à Uccle, c'est une des communes de Bruxelles, qui a été foutre un eurodateur en plein milieu de la chaussée. Pas bravo sur le chef. Trottoir. Non, bravo, non, non, non. Sur la chaussée, c'est vachement plus pratique. Du coup, je vous ai demandé de me dire quelle était la plus grosse bêtise que vous avez déjà fait au boulot. Alors, Véronique, tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle devait virer quelqu'un. Elle a pas viré la bonne personne. Franchement, ça, c'est notre championne. Horrible, hein. Ah ouais, il y a Maya qui me dit moi, ils ont placé un panneau de signalisation devant la fenêtre qui s'ouvre vers l'extérieur. Hein? Attends, un panneau. Ah ouais, ah ouais. Ta meuf, elle peut ouvrir la fenêtre. Ah, mais elle a eu de la chance, elle aurait pu le mettre devant la porte. Oh, c'est ça, quoi. Il y a Christian qui dit moi, j'ai appelé pour vider ma fosse sceptique et le camionneur, au lieu d'appuyer sur vider, il a appuyé sur remplir. Du coup, j'étais dans la merde. C'est possible de faire ça? Bah ouais. Il peut te remplir ta fosse de merde. Ah parce que la citerne elle est remplie, il doit l'évacuer à un moment donné. Sauf que là il a évacué dans le salon quoi. On va tout de suite lancer le hashtag je suis Christian, ça va aller. Courage. On a Lens aussi qui est là, qui vient de Charleroi. Lui aussi apparemment il a fait une grosse bêtise au boulot. Ça va Lens? Allez-vous? Bah ouais, nickel. Bon alors Lens, c'est quoi la bêtise que t'as déjà fait au boulot? Balance. Bon, la plus grosse bêtise que j'ai fait au boulot, c'est assez récemment. Ouais. Mais donc, j'ai eu la tâche de mettre en couleur tout un local. Mmh. Et du coup, quand j'étais presque à la fin du local, mon vieux, avec la chaleur qu'il faisait, j'ai été malade et j'ai dû tout repeindre le local parce que j'ai dit, je m'en mis partout dans le local. Oh non quoi, il ne met pas l'effet marbré. Oh. Je vous ai mis du relief là sur ce mur-là, c'est bien, je trouve. Oh, voilà. Enfin, c'est comment c'est possible ça? Oh non. Et ça t'a remis combien de temps pour tout repeindre? Le reste de la journée, toute une après-midi, Imagine les locataires, ils sont arrivés. Tiens, c'est bizarre, ça sent pas la peinture. Comment tu dois avoir trop les nerfs quand tu viens de terminer tout un taf et que tu dois tout recommencer, quoi? Oh, ouais, Lens, t'as un beau foireux. Ouais, du coup, sur le coup, Lens, merci d'être passé à l'antenne de Fun. Tu reviens quand tu veux, mais si tu vomis pas, hein, d'accord? Non, bien sûr, vous inquiétez pas. Bisous, Lens. Moi, je me rends compte d'un truc, Audrey. Quoi? C'est que j'ai pas encore fait de grosses conneries ici au boulot depuis que je suis chez moi. Mais tu es une connerie à toi-même, donc c'est pas la peine. Je vais peut-être en faire une. Non, ça ira, Fab, merci. Il y a Mickaël qui me dit, moi j'ai pris un client de petite taille pour un enfant. Oh non. Oh, tu sais que mon père, il a fait ça. Et en plus, j'adore le gars... ton père. Non, c'était pas drôle. Et le gars, devinez son nom de famille. Petit? Non, courte cuisse. C'est une vraie histoire, il existe. Il y a pas que les cuisses qui sont courtes. Non, je te jure, il existe vraiment ce monsieur courte cuisse. Bon, est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait des conneries au boulot? Allez-y, hein, vous balancez tout ça. 30-44 pour vos petits messages. Dans un instant, il y aura le son de Jonas Blue sur Fun Radio. On va se faire aussi le nouveau Black Eyed Peas. Et puis, si vous avez envie d'aller au terme de spa, restez bien là. On vous explique comment faire juste après l'excellent Feder. Maintenant, c'est le nouveau et c'est sur Fun. Once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. Radio. Si vous venez de vous brancher, c'est le son de Jeunesse Blue qui arrive. On va se faire aussi le nouveau Black Eyed Peas pour la suite du son Let's Floor. Et je vous l'ai promis, vous avez peut-être besoin de vous détendre, de voir autre chose. Exactement. De... Oh, qu'on prenne soin de vous. Ah là là, tout le monde a envie de ça, non? C'est quand sérieux. Tu prends soin de vous? Blague. Ah bah j'arrête pas, moi. Ça fait 2 ans que je prends soin de vous. J'en peux plus, je suis au bout de ma life. Bon, on vous envoie au terme de spa. Est-ce que quelqu'un a déjà été là-bas autour de la table? Au terme de spa, non? Au terme de spa. C'est beaucoup trop loin pour moi. Buddy, spa, c'est à 1 heure d'ici de Bruxelles. Ah, seulement? Bah oui, non, t'es c'est con, quoi. Loin. Moi j'ai été une fois à spa. À 1 heure et demie? Oui. Bah oui, voilà. Bah c'est pas 1 heure. Ah bah c'est presque ça. Et comme je roule doucement, moi j'ai mis 2 heures. Ah bah tu m'étonnes. Et j'ai été parce que c'était la plus grande loose de ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais reçu des places pour aller assister au Ferrari Days, au spa, au truc de spa Francorchamps. Donc j'ai pris des potes avec moi et je dis, les gars, on va aller voir les Ferrari et tout sur le circuit. Et je fais le malin parce que je sais que quand t'arrives, si le circuit est ouvert, l'autoroute est fermée. Donc je suis le gars qui s'y connaît, tu vois. Et j'arrive et l'autoroute est ouverte. Je suis là, spa Francorchamps. C'était pas la blague. Il y a personne. Si, le garage spa Francorchamps, c'est celui à Zaventem. Oh! Et donc non. J'emmène mes potes pour faire 4 heures de route alors... oh ouais. Donc je vais plus à spa moi. Quel loser. Mais vous voyez ce qu'on doit se taper, c'est lui, c'est Fab, c'est le gros loser de la terre. Oh, c'est pas possible. Bon, rassurez-vous, nous c'est vraiment à spa, la ville de spa avec l'eau, tout ça, vous voyez. Donc spa, vous allez vous détendre là-bas dans les thermes, c'est génial, franchement, avec de l'eau spéciale qui vient de la source de je ne sais plus d'où. Mais la bouteille. Franchement ça le fait, ouais, limite je pense que c'est ça, mais je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est génial. Alors non seulement on vous file les entrées, les accès au bain de spa, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais en plus vous allez avoir droit à des soins, un petit massage délassant. Imaginez-vous, dans le dos, oui, et tout. Oh, ça fait du bien. Et alors, ils ont un truc vraiment spécial, c'est des bains carbogazeux. Pardon? Ah oui. Alors j'ai eu la chance d'une fois de tester. C'est quelqu'un trop pète dedans ou pas? Non, c'est pas ça. C'est que t'es dans un bain en cuivre. Ouais. Tu vois, genre les vieux bains de l'époque. L'époque, oui. Voilà, ils disent que c'est même le bain de Victor Hugo. Bon, bref, tu mets tes petites fesses dedans. Et alors, en fait, t'es dans de l'eau pétillante super chaude. Mais c'est pas de l'eau pétillante, hein, c'est une eau spéciale qui agit sur ton corps. Enfin bref, c'est le top. Sérieux, vous allez être vraiment bichonné. Hein. On peut la voir ou pas du coup? Ah, tu peux. Hein, tu prends une paille en même temps. Vas-y. Hein. Si ça vous dit d'aller tester les thermes de spa, vous inscrivez maintenant. Vous envoyez happy, ça commence par H, ne m'envoyez pas A. Non, je vois les mauvaises orthographes. Happy par SMS au 6322 et on vous tirera au sort dans quelques minutes. Là, on enchaîne avec le son de Jeunesse Blue et juste après, on va appeler la commune Ducle. Bah oui, on voudrait bien savoir pourquoi ils ont été taper un horodateur en plein milieu de la chaussée, quoi, les gars, c'est pas sérieux ça. Do you wanna have a party? Tous les soirs dès 22h sur Fun Radio. Ouvrez les portes du club le plus branché de Belgique. C'est Before Party Fun. Ladies and gentlemen. 2 heures de mix avec les plus grands DJ belges au platine. Please welcome Tristan H, DJ Boss, Sir Leon, Magic Cut, Otsu, Flash, Maestro, Sacha DMB et Andy D. Venez faire la teuf du lundi au jeudi avec le son Dance Floor mixé de 22h à minuit. Before Party Fun. C'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui, oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39€ par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Samedi 1er octobre chez Tom & Co, c'est la fête des animaux. Moins 15% sur tout le magasin. Le samedi 1er octobre, votre animal est roi chez Tom & Co. Plus d'infos sur tomandco.be. À la radio, le message doit être clair et concis. Alors, Pizza Hut, mardi malin, 5,95€ pour une pizza médium à emporter. Bon, très bien, mais t'as encore 3 secondes, hein? Ouais, pas de problème. Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut. Ça, c'est parfait. Pizza Hut. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard.

mais ils font des choses bizarres par contre à Uccle. Si vous venez de nous rejoindre dans l'émission, on parlait du truc là. Il y a un gars, un ouvrier qui a été foutre un horodateur. C'est le truc qu'il faut payer là. Vous savez, quand vous parquez en plein milieu de la chaussée, pas sur le trottoir. Non, non, c'est mis au milieu de la route, ça va être très pratique. Et puis du coup, Sandro, tout à l'heure, il nous a donné une bonne réflexion. C'est vrai, il n'y a pas de passage piéton pour aller payer. Il faut le mettre. Ah bah, sinon c'est dangereux, on peut avoir un accident. Ça peut, ou ça peut une pas, amende. Hein. Oui, d'abord. Ah bah, du coup, on a chopé le numéro de la commune de Uccle, on va les appeler maintenant, hein, on va leur demander des comptes, ça va pas se passer comme ça. Oui, allô. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle concernant un petit souci que de votre part de la commune. C'est par rapport à l'horodateur de la rue du Framboisier qui est en plein milieu de la rue. Oui, ça concerne quoi Ah ben, ça concerne que moi, ce matin, en traversant pour aller prendre mon ticket, ah ben, un policier il m'a mis une amende parce que j'ai pas traversé sur le passage pour piétons. Mais il n'y a pas de passage pour piétons. Mais c'est pas une amende de stationnement, mais il fallait pas prendre un ticket à l'horodateur. Non, c'est pas. Ça, c'est vous qui le dites, mais après, quand j'en prends pas, moi, j'ai une amende. Il m'a pas mis une amende de stationnement, et il m'a mis une amende parce que j'ai traversé dans la rue pour aller vers l'horodateur, mais il n'y a pas de passage pour piétons. Et il m'a dit, t'as traversé en dehors des clous. Je dis, wow. Mais c'est pas chez nous, messieurs. Vous avez reçu un amende quoi? Quelle amende vous avez reçue? Eh ben une amende parce que j'ai traversé en. Oui, mais c'est qui vous a déposé cette amende? C'est pas la commune quand même. Non, c'est la police. Mais qu'est-ce que nous on a à voir? Nous on n'est pas à la police ici, vous savez. Oui, mais je sais parce que si je veux appeler la police, j'appelle la police, hein, madame. Non, je vous appelle parce que moi je voulais vous rendre service à la base. D'accord. Je veux bien aller peindre le passage pour piétons tantôt. Mais messieurs, vous ne pouvez pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous parlez avec nous? Nous, on n'a rien à voir avec le passage piéton. Ah non? Et c'est qui a mis le rodateur au milieu de la route? Ah. Au milieu de la route? Oui, parce qu'il n'est pas sur le trottoir. Le rodateur, il est sur la route. Oui, mais messieurs, pour l'instant, les rodateurs ne sont pas mis en fonctionnement. Est-ce que vous avez vu des contrôleurs? Il n'y a pas de contrôle, hein? Ah oui, parce que j'ai traversé, j'ai pris une amende, mis la pièce. Mais c'est une blague là, vous voulez faire une blague ou quoi à la commune ou je vous pensez pas. Madame que j'ai tant de blagues. Vous avez traversé, pour chercher un ticket à l'horodateur qui fonctionne déjà pas puisque le stationnement n'est pas payant. Et en plus l'horodateur il a mangé votre pièce. C'est une blague, là. Et vous voulez peindre maintenant le trottoir? Moi, je peux pas savoir que le rodateur, il marche pas tant que j'ai pas été le voir. Alors, j'ai traversé, parce que votre ouvrier, à mon avis, il avait bu un verre de trop, et il l'a mis dans la route. C'est très dangereux. Mais messieurs, maintenant, il y a quand même un petit cache blanc. Hein. On a mis quelque chose, on l'a pas laissé comme ça. Hein. Si. Il est tout seul, abandonné. Bon. Moi, je suis au magasin de peinture, madame. Quelle couleur vous voulez pour que je fasse les lignes? Comme ça, les gens, ils auront plus d'amende quand ils traversent. Allô? Je pense que tu vas devoir choisir toi-même ta couleur. Moi, je trouve que le rose, ça serait bien, Fab, non? Rose? Ça dirait, allez, on le fait en rouge. Comment tu viens de te faire raccrocher à la gueule, quoi? Allez, wow, merci, au revoir. Bon, c'était l'appel bourré de Fab sur Fun Radio. Bon, bah, évidemment, je pense que le rodateur, il va rester là encore un petit peu tout seul. Oui, je crois. Bon, on va enchaîner avec du son Dance Floor. C'est le nouveau Black Eyed Peas qui arrive sur Fun Radio maintenant. Et juste après, je vous ai calé un petit Dimitri Vegas et Like Mike. Bienvenue sur Fun Radio. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father, help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love? Yeah. What's going on with the world, mama? Where's the love? Yeah. People living like they ain't got no mama. Where's the love? I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama. Where's the love? I think they don't understand the concept or the meaning of karma. Where's the love? Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism. Where's the love? Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them. Where's the love? But if you only got love for your own race, where's the love? Then you're gonna leave space for others to discriminate. Where's the love? And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Man, this is what you demonstrate. And that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love, so the love? It just ain't the same, always a change. Where's the love? New days are strange, just the world insane. Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's the love? Ongoing suffering as we die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now, everybody matter to me. All racist, you don't like what I'm saying? Hater raid, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist. Black Eyed Peas do a song about love and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. And if you never speak truth, then you never know what love sounds. Where's the love? And if you never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where is the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where's the love? No, no. Where's the love? They don't want us to love. Where's the love? Love is powerful. Where's the love? The love and the fairness and equality. Where's the love? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Where's the love? Lack of understanding leading us away from unity. Fun Radio. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Il est 18h, bienvenue sur Fun Radio. C'est l'heure de s'informer avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Je connais plusieurs personnes qui ont joué à Pokémon Go mais qui ont fini par en avoir marre. Hein. Le jeu. Bon, pas besoin d'expliquer en quoi il consiste, j'imagine. Ce jeu donc a perdu pas mal d'adeptes depuis son lancement début de l'été, mais il en conserve encore beaucoup, et notamment du côté de Jourbiz, où il a incité la bourgmestre Jacqueline Galland à prendre une décision plutôt surprenante, à savoir une sorte de couvre-feu, de quoi faire plaisir aux riverains de la place d'Herbeau qui en ont marre d'être réveillés pendant la nuit par des jeunes qui n'ont rien d'autre à foutre qu'à essayer de capturer de petits êtres virtuels. Les habitants se plaignent aussi de rassemblements de dizaines de personnes qui squattent les places de parking et empêchent les gens de se garer. Bref, la bourgmestre a tranché. À partir de 22h, plus question de se rassembler à plus de 10 personnes sur la place du petit village d'Herbeau. 110€ d'amende sont prévus pour mauvais stationnement, plus éventuellement une prune pour tapage nocturne. Vous n'avez sans doute pas oublié que Jacqueline Galland, la bourgmestre de Jourbiz, donc a été jusqu'à il n'y a pas bien longtemps le ministre fédéral de la mobilité avant de démissionner, vu qu'elle n'avait plus la force de trimballer les casseroles qu'elle avait accumulées. Et certains aujourd'hui se demandent si Marie-Christine Marguem, autre ministre et maire de ce gouvernement Michel, ne va pas suivre le même chemin que son ex-collègue, et pour des raisons pas très différentes. Hein, le dossier de la redevance nucléaire qui plombe un petit peu l'ambiance au sein du fédéral ne risque en tout cas pas de l'aider. La ministre Marguem, qui doit être entendue par la commission économie de la Chambre sur cette histoire des 3 millions d'euros que l'État était en droit de recevoir d'Electrabel et d'EDF, mais que Marie-Christine Marguem a oublié de demander à temps, une des questions étant de savoir si elle l'a pas un petit peu fait exprès. Notez que si le 3 comblé dans le budget est de plus de 4 milliards d'euros au lieu de 2 milliards et quelques, comme on le pensait jusqu'ici, cette histoire de rente nucléaire n'y est pas pour grand-chose. Hein. Les raisons du couac sont multiples. Dépenses plus importantes que prévues et rentrées fiscales moins importantes. C'est ainsi par exemple que les accises sur l'alcool et le tabac rapportent nettement moins qu'attendu. En ce qui concerne l'alcool, la différence est de 92 millions de janvier à août, donc 92 millions de moins qu'espéré. Et pour le tabac, la différence est de plus de 140 millions. Notez que ce serait une bonne nouvelle malgré tout si ça voulait dire que les Belges fumaient et picolaient moins. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un petit pays et que les frontières ne sont jamais très éloignées du lieu où on habite. Enfin, en football, le club brugeois se déplace à Copenhague ce soir dans le cadre de la Ligue des Champions. Une victoire des Blauw en Zwart serait la bienvenue après leur défaite initiale face à Leicester. Ce ne sera pas facile, mais les Brugeois vont sûrement retrouver le moral après 3 victoires consécutives. Fun. Fun Radio. On va tout savoir sur les potins et les popotins, les people, les stars n'ont plus de secret pour Fab. On se fait ça juste après la météo, Carlo. Bah demain il fera bon avec des températures qui devraient être encore un petit peu plus élevées qu'aujourd'hui, jusqu'à 23 degrés pour un 28 septembre, c'est pas mal. Ça dit pas mal de nuages en début de journée avant le retour d'un franc soleil. Prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Dimitri Vegas. C'est Like Mike, salut. Fun. Fun Radio. Allô Mimi, je suis dans les embouts, là les magasins seront fermés. On commandera ce soir sur Krefel.be en pyjama. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close, don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay wild? Stay wild. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Alors continue sur Fun Radio avec Martin Garrix. Et alors on va se faire un souvenir là, c'est bon, un peu comme si on était en vacances encore un petit peu sur Fun Radio. C'est Daddy Yankee qui arrive juste après les potins. Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le zip. Sur les people. Vous saurez tout sur les people. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Alors qu'on sait très bien que Fab, il préférerait parler d'Izzy plutôt que de people. Oh, pas vraiment d'Izzy, moi je préférais parler de ZZ. Non, non, c'est pour moi, merci. Je l'ai dit gentiment sans ZZ, faire de... ZZ, c'était pas beau. Comme dans le... Il y avait pas une série où il y avait un truc qui s'appelait ZZ? Non. Si, attends, on va voir si elle peut trouver tout. Attends, c'était... C'est pas... C'est... Allez, t'y es presque, c'est pas une série, c'est un film. Un vieux film. ZZ. Avec un Père Noël. Le Père Noël est une ordure. Bravo. Yeah. Elle est c'est bien ma louloute. Excusez-moi, voilà. On n'a pas vu le même film. Tiens, un biscuit. Bah si, la meuf elle s'appelle ZZ. Ah ouais. Ou alors, attends, non, c'est dans Les Visiteurs. ZZL. Oh, je sais plus, laissez tomber. Si quelqu'un a la réponse et qui écoute l'émission, n'hésitez pas à participer 3044 pour vos messages. Avant ça, Fab, tu as de l'info people. J'ai un truc qui va faire plaisir à tous les fans d'Harry Potter. Est-ce que t'es une fan d'Harry Potter? Musique d'Harry Potter, s'il vous plaît, je voudrais bien avoir une petite musique. J'adore. Dès que j'entends la musique du film, ça me rend folle. Oh voilà. Oh. Mais folle à quel point? Attends, chut. Allez. Je pourrais rester là des heures à écouter la musique d'Harry Potter. T'es fan à quel point, toi? Oh, je connais tout par cœur. Au point, tu pourrais dépenser de la thune pour acheter un truc du film? Ouais. Ça dépend quoi, parce qu'il y a des trucs chelous dedans. Hein. Par exemple, les trucs de Bertie Crochu, là, les espèces de bonbons où tu tombes sur des goûts poubelles. Ça, je pourrais pas, par exemple, acheter, mais. Oh, la baguette d'Harry Potter. Ouais, comme ça, dès que tu fais chier, baguette magique. Bon, alors. Écoute, si t'es fan du film, tu vas pouvoir t'offrir l'objet. Enfin, l'objet, c'est un peu grand quand même. Ouais. Culte indispensable. La maison d'Harry Potter est en vente, les amis. Bah là, il a pas de maison. Bah si, il a une maison quand il est chez sa tante. Ah, ça, la maison. Ah ouais, mais c'est une maison de cité, c'est ça? C'est une maison de cité à Londres. Et au fait, ce que tu ne savais pas, mais moi je sais parce que moi je suis un spécialiste des people. Pour le premier Harry Potter, ils avaient tourné dans une vraie maison, au fait. Ouais. Après, vu que le film a tellement bien marché, ils se sont dit, ok, maintenant on a les moyens, donc on va reconstruire toute la rue, toutes les autres maisons et celle-là dans le studio, comme ça on ne devra plus faire chez les habitants. Fou, ça. Et donc cette maison a servi au fait à tourner le premier Harry Potter, le tout premier film. Ouais. Mais des gens avaient cette maison. Ils l'avaient achetée il y a quelques années pour, je crois, une histoire de 300 000 euros. Aujourd'hui, elle est en vente pour 600 000 euros. Oh là là, ils ont rénové le truc. Il y a que 93 mètres carrés quand même. Hein. C'est 600 000 euros. Ouais, c'est dans le Berkshire. Berkshire à Bracknell en Angleterre. Donc les propriétaires, ils ont tout remis à neuf, mais ils ont gardé un élément clé de la maison pour les vrais fans, ils y ont pas touché. Oh, je sais. Quoi? Le balai. Le placard. Le placard. Bah oui, évidemment. Donc ça peut faire une chambre d'enfant en passage. tu peux cacher des trucs dans le placard. Le placard d'Harry Potter, c'est énorme. Mais quand même, 600 000 euros, je suis pas sûre que je serais prête à mettre ça. On va demander à Aurélie, tiens, qui vient de Hamay, si elle serait capable d'acheter la maison d'Harry Potter. Ça va, Aurélie? Ça va et toi? Bah ouais, super. Aurélie, tu serais capable, toi, de payer 600 000 euros pour dormir dans la même maison qu'Harry Potter? Non. Mais genre, si tu pouvais choisir, je sais pas moi, un truc dans un film que tu kifferais avoir à la maison, ça serait quoi? La voiture de 60 secondes chrono. 60 secondes chrono, c'est quoi Léonore. Ça? Ah ouais? Tu connais? Ouais. Ah bah oui. Ah, ça me dit rien, moi. C'est un film culte, c'est le film avec Nicolas Cage où, au fait, il a une nuit pour voler sans bagnole. Ah ouais? Tu vois, et ouais, c'est un voleur de voiture et tout, mais c'est le meilleur dans la profession. Et la dernière voiture qui vole, c'est sa Madeleine de Proust, c'est son idole, c'est la Eleonore. Alors, si je me trompe pas, c'est une Ford Mustang Shelby GT coupé de 1969. Oula! Et on n'a pas dit femme, bravo, s'il vous plaît. Merci. Monsieur spécialiste. Bon, Aurélie, merci beaucoup d'être passé à l'antenne. Vous, dans l'équipe, ça serait quoi le truc que vous pourriez ramener à la maison ou acheter un truc dans un film, par exemple, le truc qui vous ferait kiffer? Moi, ce serait la maison, mais des Simpsons. Elle me fait trop kiffer. Oui, classe. Surtout le canapé des Simpsons. Faut pas déconner. Et la télé. Fab, tu pouvais choisir un truc, toi, dans un film, ça serait quoi? Moi, tu me donnes de la thune, je m'achète une Batmobile, je me fais une Batcave dans une Batmaison. Je crois que le monsieur, il est fan de Batman. Hein. Non, tu crois que je m'habille en Batman tous les jours. Pour ça, il faut rentrer dans la combinaison. C'est autre chose, ça. Bon, et vous, de l'autre côté de la radio, c'est quoi le truc qui vous ferait kiffer? Le truc que vous pourriez acheter dans un film, allez-y, vous balancez vos petits messages. Hein. 3044, on vous lit juste après le son de Daddy Yankee, maintenant sur Fun Radio. Welcome tout le monde, c'est la Piowa. On est avec vous jusqu'à 20h. Bougez pas. Martin Garrix and you're now listening to Fun Radio. Fun. The song dance floor. Fun. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. C'est avec Ken Jones que ça se passe. Il y aura aussi le tout nouveau Julian Beretta. Rien que pour vous, c'est Ma que je vous cale. Avant ça, on a Lorenzo qui est là et qui voudrait bien avoir un truc comme dans un film. Bah ouais, parce que Fab nous a dit que la maison d'Harry Potter, elle était à vendre, celle où il est caché dans le placard. Rappelle le prix de la maison si on veut l'acheter. Presque 600 000 euros. 600 000 euros, c'est wow. Énorme, ça coûte super cher. Lorenzo, bonjour, bienvenue dans la Piovoir. Bonjour, ça va? Bah ouais, et toi? Comment ça se passe? Ça va, tranquille. Bah ouais, va, tranquille. Tu viens un petit peu du sud de la France, c'est toi ou quoi? Ah non, pas du tout. Tu viens d'où? Moi, je viens de Bruxelles. De Bruxelles, ça ne s'entend pas. C'est aussi un peu dans le sud. C'est normal, on n'a pas d'accent à Bruxelles, on ouais, a des gens bien. Ça recommence, c'est bon ainsi. Lorenzo, si tu pouvais acheter un truc dans un film que tu pourrais ramener chez toi et te la péter grave avec tous tes potes, ce serait quoi? Moi, c'est le sabre laser de Dark Vador. Oh ouais! Mais moment d'anthologie, Audrey qui chante la marche impériale! T'as vu ça? Bim, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je suis ton père! Ouais! Appelle-moi maman! Ah non, ça c'est un autre film ça! Pourquoi est-ce que dès qu'on dit un truc, tout le monde pète un câble? Je sais pas! Tout le monde y va de son imitation! Ouais, t'imagines si on pouvait avoir le sabre laser vraiment? Hé Lorenzo, si t'avais le sabre laser, qu'est-ce que tu ferais avec? Ouais, j'en ai aucune idée. Tu me le prêterais pour que je fasse du mal à Fab ou pas? Ouais. Je pense que tout le monde ferait le con dans sa chambre avec et puis tirer aux urgences parce que, excuse-moi, je me suis coupé une main, un bras, une jambe. Mais attends, il n'y avait pas genre deux types de sabres? Il n'y avait pas un vert et un rouge? Si, si, chacun les couleurs en fonction des Jedi, si t'es un Jedi ou si t'es un Sith. Ah, c'est ça? Les méchants, ils sont rouges généralement. Et si t'aimes pas le vert et le rouge, tu peux mettre une autre couleur? Mais toi, tu crois que c'est, moi, je vais leur c'est du vernis à ongles, c'est ça? Je suis pas dans l'orange. Excusez-moi, alors je suis Jedi depuis pas longtemps, mais on m'a donné un sable, j'aime pas la couleur du tout. Vous auriez rien d'un peu plus girly, genre un manche avec des paillettes, rose, jaune, j'aime bien le jaune aussi, ou alors le. Tu vois, escroquerie. Tu vas chez MediaMarkt et tu demandes pour changer. Hein. Va, franchement, limite, me cherche pas, je suis capable. Hein. Lorenzo, merci d'être passé sur Fun Radio, je te fais des gros gros bisous. Bisous, Lorenzo. Et sinon, dans les autres sabres, genre un god de Fifty Shades of Grey, y a pas moyen. Oh. Ah, c'est pas un sable, ma poule. Hein. Ça se met pas au même non, endroit. Non, c'est une. Comment on dit une fift? Non, c'est pas ça. Un fist. Fift. Comme fift harmonie. Ouais, j'ai appris ce mot l'autre fois en regardant le film, je te jure. Hein? J'ai quel la... film? Mais 50 nuances degrés, à un moment donné, il lui fait un truc là. Comment t'appelles ça? Un fist. Voilà. Ah, et ben, moi, je ne savais moi, pas j'ai ce mieux que c'était. Pour toi, alors, ma chérie, on peut aller passer un week-end si tu veux à la fistinière. C'est une maison d'hôte. Ça, j'ai déjà vu. Une maison d'hôte. Non. Où tu fais pas que dormir et manger. Non. Non, mais sinon, la chambre de 51 degrés, ça peut être sympa. Enfin, l'appartement et la chambre. Non, mais alors, attends, parce qu'il y a Alison du Standard qui nous a appris un truc. Je suis comme une folle, Ali. Vas-y, répète. Ouais, on peut le louer sur Airbnb, 247€ la nuit, l'appartement. La chambre. L'appartement. Combien ça coûte? 247€ la nuit. C'est une blague, c'est tout. Et moi, je suis cap d'y aller, j'en ai. C'est un faux milliardaire, le mec, au fait. C'est tout des meubles IKEA. Tout sauf la chambre rouge en fait, puisqu'elle, elle a été faite en studio. Ah, mais c'est nul alors, y a rien. Mais si, l'appartement et tout, il y a le piano sur lequel il joue. Oui, oh, y a tout. Ça y est. Attends, vas-y, on va se renseigner et on ferait pas ça, non? Attends, mais je m'en fous de ton truc. Oh, non, je vais aller dormir chez Batman. Regarde si on peut pas louer la Batcave. Et mais franchement, si vous pouviez aller dormir dans une chambre, une maison, peu importe, ce serait quoi? Oh, en vrai, je suis comme une folle là, ça y est. Hein. Dites-moi, vous de l'autre côté de la radio, 3044 pour vos petits messages. On va se faire le son de Kane Jones sur Fun. Il y aura aussi Julian Perretta. Et puis juste après, on va les lire, hein, vos messages. 3044 pour les envoyer. Fab, ce serait où toi, Batman? Moi, j'irais dormir dans Selena Gomez. Oh. Pardon, dans la chambre, je veux dire. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h, avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ou au 02-851-4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son dance floor. La hauteur de vos ambitions, c'est votre choix. ING fait tout pour le rendre possible. Comme pour Léa et Hugo, fans de science-fiction. Léa rêve de visiter un Space Center, Hugo voit plus loin. Il a acheté sa place à bord de la navette qui partira pour Mars en 2023. Les débuts d'une relation à distance de longue durée. L'ING Lion Account gratuit est le compte à vue qui vous permet de gérer votre argent où que vous soyez, même sur Mars. Demandez-le maintenant. Infos et conditions sur ing.be. Monsieur le directeur. Oui, Jean-Pierre. Oui, dites, comme vous savez, j'ai gagné Euromillions. Oui, je sais. Oui, non, c'est juste pour vous dire que l'hélico sur le parking, c'est le mien. Donc s'il dérange, c'est moi qu'il faut appeler. L'hélico? Oui, le rouge, le petit. Ce vendredi, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Euromillions, devenez scandaleusement riche. Au soleil? Ou à la neige? Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à ce dimanche pour profiter de jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Grande première événement sur RTL TVI. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Jeudi à 20h15, retrouvez Leonardo DiCaprio au sommet de son art. Tu veux quoi, passer le reste de tes jours en prison? Va falloir qu'ils envoient la carte nationale, parce que je n'irai nulle part. Le loup de Wall Street, jeudi à 20h15 sur RTL TVI. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor.

La suite du son des Flores, c'est avec Soprano que ça se passe sur Fun Radio. Je suis en feu. Il y aura aussi Quintino juste après. Et on vous a demandé de nous dire dans quel endroit vous rêveriez d'aller dormir. Alison du Standard, elle nous a appris qu'on pouvait aller faire dodo dans la chambre de 50 nuances degrés. Ouais, à Seattle. À Seattle. Et, pour... et combien ça coûte encore? 247. 247 euros la nuit et vous dormez dans le même appartement que Christian Grey. Oh mon Dieu. Et 900 euros le billet d'avion quand même. Oh, c'est pas grave. Rien que pour pouvoir dormir dans les mêmes draps que lui, moi je suis prête à franchement. Oh non, à oh non, si, si. Et tu peux même lécher les draps. Petite cochonne. Bon, et du coup, Fab, ça dit quoi par SMS au 3044? Alors, il y en a qui veulent dormir dans la maison des Desperate Housewives à Victoria Lane. Ah oui, pas mal. Ouais. Ah, seulement s'il y a le même voisin jardinier qui vient faire la pelouse. Oh. Évidemment, ça m'aurait étonné. Il y a quelqu'un, ça par contre, moi ça me plairait bien aussi, dormir dans l'appartement de Monica de Friends. Monica de Friends? Ah oui. Tu sais, l'appartement dans laquelle toute la série elle est tournée, au fait, hein, pratiquement. Ouais, okay. Ou alors, il y a quelqu'un, alors je sais pas, c'est un peu bizarre, mais chacun son truc, je suis pas là pour juger. Moi je suis fan de Plus Belle la Vie, j'aurais bien dormir chez Mélanie. D'accord. Alors, oh non! Déjà, quand t'es fan de Plus Belle la Vie, tu le dis pas. C'est mon humble avis, mais bon. Ouais, après, c'est bien situé, hein. Marseille et tout, la soleil. Du Mistral. C'est à Marseille, hein, c'est ça, Plus Belle la Vie? Parce que j'ai jamais regardé de ma vie ce truc, donc. Menteuse. Oh, je sais où je rêverais d'aller dormir. Où dans la maison de Victor Newman, dans Les Feux de l'amour. Oh oui! Qui est-ce, monsieur? Oh, Victor Newman! Quelqu'un connaît? Oh, lui, s'il te plaît! On va faire semblant que non. Alison, t'es une fille, tu regardes Les Feux de l'amour, toi? Je regarde pas, mais je connais. Ah, bah voilà, c'est bon, c'est comme ça. Inconnu au bataillon, moi je ne sais pas. Merci pour tous vos petits messages, les amis, ça fait plaisir. Restez bien à l'écoute de la Happy Hour. On a du cadeau là maintenant pour vous. On vous envoie au terme de spa. Est-ce que ça vous dit d'aller vous faire bichonner un massage à la clé, un bain carbo-gazeux et en plus de ça, les entrées pour aller au bain des thermes de spa? C'est juste génial. Si ça vous dit de repartir avec ce très, très beau cadeau, bah il faut s'inscrire maintenant, hein. Vous envoyez Happy par SMS au 6322. On vous prend à l'antenne juste après le son de Soprano sur Fun. Gagnez le jeu de foot de la rentrée. FIFA 2017 avant sa sortie et votre Xbox One S grâce à Smart Toys et Fun Radio. Dès lundi, écoutez Fun Radio Connected de 20h à 22h. Et gagnez avant sa sortie la référence du foot que tout le monde s'arrache, FIFA 2017, et peut-être votre nouvelle Xbox Slim en envoyant foot par SMS au 6322. Un euro message. Merci Fun Radio. La radio des jeux vidéo, c'est Fun Radio. Le son d'Esfort. Aux AP Assurance, nous comprenons que parfois, vous n'avez vraiment pas de bol. Oula, ça c'est le genre de route sur laquelle on espère qu'il n'arrivera rien. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas de loup ici, hein. Ouais, ça va, il est loin. Voilà pourquoi, en cas d'accident, vous pouvez nous joindre jour et nuit, même le week-end. Souscrivez une assurance auto des AP Assurance avant le 15 octobre et recevez 2 mois gratuits. Allez vite sur lap.be pour les conditions et infos. Les AP Assurance. Inédit, du lundi au vendredi à 20h45 sur Plug RTL, touche pas à mon poste. On va revenir sur tout ce qui s'est passé à la télé pendant la semaine. Le meilleur et le pire de la télé, revu par Cyril Hanouna. C'est toujours un bonheur. Chronique, jeux, buzz et happening. Quoi? Inédit, touche pas à mon poste. Du lundi au vendredi à 20h45 sur Plug RTL. Plug RTL. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro, celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h20 sur Fun Radio. Fun Radio. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai senti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, te fais le grand dégât de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur eux. J'ai l'impression de planer. Regardez. D'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs.

Mais d'abord, c'est le dis-moi pas que c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Toutes ces questions que vous vous posez depuis tout petit, sans jamais avoir de réponse, grâce au dis-moi pas que c'est pas vrai, c'est fini. Aïe, alors là, moi aujourd'hui j'en tiens une bonne, hein, les gars, sérieusement. Est-ce que vous êtes du genre à être flippé dans les avions? Non, peut-être. Non, ça va. T'as peur, Fab? Sans blague, mais moi j'ai peur de tout, moi. Un vélo, un avion. Ah, alors moi, par contre, l'avion, j'avais pas peur. Maintenant, ça y est, c'est la fin. Je suis en flip total. Mais non. Tu sais quoi, je devais aller en vacances cet été, j'y suis pas allée. Rien que parce qu'il fallait prendre l'avion. Ah, je te jure, maintenant je suis flippé de la life. Et en plus de ça, il y a un truc qui m'a toujours fait peur dans les avions. Peut-être que vous aviez jamais remarqué, mais pour ceux qui ont déjà vu l'avion, vous savez, eh bien, il y a toujours un petit trou dans le hublot. Ah oui. De quoi? Vous avez jamais remarqué, Sandro? T'as déjà vu ça? Non, mais je pensais que c'était un défaut de fabrication, que c'était un truc. Ah non, mais en fait, donc sur la vitre, donc le hublot, il y a toujours un petit trou dans la vitre. Et donc, moi, ça me faisait flipper. Je me dis, ok, s'il y a un trou, ça veut dire que ça va exploser, ça veut dire qu'on va se cracher. Mais c'est ça, ouais. Et voilà, donc t'appelles l'hôtesse de l'air, je fais ok madame, on va mourir, arrête-toi tout de suite. Et en fait non, il y a une raison à ça, il y a une raison pour laquelle il y a un trou dans le hublot. Moi je m'en fous, la prochaine fois que je prends l'avion, s'il y a un trou dans la fenêtre, il décolle pas l'avion. Et dans ces cas-là, tu sais comment il faut faire pour arrêter un avion? Non. Bah tu cries bombe. Oh là là. Le truc s'arrête facile. Bon, à votre avis dans l'équipe, vous aussi de l'autre côté de la radio, 3044 pour vos messages, pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans le hublot de l'avion? À votre avis, il y a une vraie raison, une vraie explication? Bah pour mettre son doigt dedans. Mais pourquoi tu veux mettre des trous? Lui, dès qu'il y a un trou, il veut toujours rentrer quelque chose, hein. Bah ouais, moi aussi. Fab, à ton avis, pourquoi? Je sais pas, parce que le mec qui a fait ça, il était endormi. Il était endormi, il... non. Le mec a mis les fenêtres, il... Ouais, non. Je sais pas, moi. Ou alors c'est un coup de Carglass. Pourquoi? Ils veulent garder le marché des carreaux et pour réparer Carglass tous les avions. Carglass. Non, bah c'est pas ça la raison, Alison, à ton avis? Pour renouveler l'air dans l'avion. Pour renouveler. Ah bah ça aurait pu. Ah bah franchement, au moins une réponse sensée un petit peu dans cette équipe. S'il vous plaît. C'est la scientifique de l'émission. Ouais. C'est pas ça, c'est la bio. Un auditeur qui me dit c'est pour jeter son chewing-gum par la fenêtre. Bien essayé, mais c'est pas ça non plus. Allez quoi, franchement, vous avez aucune idée. Je sais pas moi pourquoi il y a un trou. Déjà, c'est pas normal d'une avec un trou. Eh ben, trou. Si. Alors en fait, je vous explique vite fait pourquoi il y a un trou dans le hublot de l'avion. C'est parce que déjà, il y a trois fenêtres dans le hublot. Vous saviez, il y a la première vers vous qui est en plastique, ouais. Et puis il y en a deux autres derrière qui sont en verre. Mais pourquoi mettre trois fenêtres? Bah parce qu'au cas où, imagine, avec la pression, tu décolles et tout, t'es en altitude, il y a trop de pression, bah il y a une fenêtre qui explose. Bah déjà, il y en a une deuxième au cas où. Parce que s'il n'y a plus de hublot, à un moment donné, l'avion il peut se cracher, hein, vraiment, ça peut perdre de l'altitude à mort, donc voilà. D'accord. Et en fait, il y a un petit trou justement pour faire, pour évacuer la pression, pour pas que ça pète, pour pas que ça explose, pour éviter que la vitre à un moment donné elle se barre, tu vois ce que je veux dire? C'est scientifique ça. C'est scientifique. D'accord. Donc arrêtez de flipper les copains, pour tous ceux qui prennent peut-être l'avion, on a de l'autre côté de la radio régulièrement. S'il y a un trou dans le hublot, c'est fait exprès. Don't panique les gars, tout va bien. Mais t'imagines, quelqu'un il voit ça, il sait pas, il rebouche le trou, il se dit tiens, je vais mettre du scotch. Et à cause de lui, franchement, j'ai sûr, il y a quelqu'un au moins une fois dans sa vie qui a dû appeler l'hôtesse de l'air en disant madame, je crois qu'il y a un défaut de fabrication dans votre avion, c'est pas possible. Bon bah voilà, tout le monde a appris quelque chose aujourd'hui. Ah, je vais mourir, moi, bête, moi. C'est pour moi, c'est pour ces cadeaux. Voilà, on va faire le son de Major Lazer maintenant sur Fun Radio. Et si vous avez des questions, je sais pas moi, vous posez des questions dans la vie, vous nous demandez, hein, 3044 pour vos messages et puis on cherche explication. Rencontrez votre star Fun Radio, Maître Gims, lors de son concert le 10 décembre à Forêt Nationale, grâce à Fun Radio. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez deux titres de Maître Gims à la suite, c'est le double fun sur Fun Radio. Double fun. Soyez le premier à envoyer star par SMS au 6322. Un euro le message et gagnez vos places pour son live le 10 décembre à Forêt Nationale, ou peut-être le rencontrer. Plus la réédition de l'album de Maître Gims à contre-cœur. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Et c'est l'ingénieure Sarah qui va construire le plus long pont du monde. Pour tous les trains. Ingénieure au chemin de fer. Hier, ton rêve. Aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong. J'ai presque fini. Etias, bonjour. Bonjour, je viens de rentrer dans le pare-choc d'une camionnette. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, mais par contre, ma voiture ne roule plus. Ah, ne vous inquiétez pas, on vous envoie une dépanneuse, elle sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes? Mais c'est rapide, ça. Oui. Oh, mais c'est que la nana qui conduisait la camionnette, elle est pas mal du tout. Vous avez 30 minutes. Oh là là. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Non mais tu l'entends l'autre là? Il fait que rigoler. Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres.

arrive sur Fun Radio avec le son de Liam Summer. Pour la suite, je vous ai calé Anti-Hero, il y aura Sigala et puis Baby K aussi avec Rome à Bangkok. Mais avant ça, c'est l'horoscope dans la Pioir. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. On va vous dire pourquoi vous ne devriez jamais danser en public dans cet horoscope. Et alors, en disant cette phrase comme ça, j'imagine une femme en train de danser et des milliards d'explications de pourquoi tu ne devrais pas. C'est pour ça que je l'ai fait aussi. C'est parti les béliers. Vous êtes beaucoup trop gros pour danser. Quand vous dansez, ça rappelle à tout le peuple thaïlandais le tsunami de 2004. Oh non, tu sais moi à quoi ça me fait penser quand t'es un peu fort et que tu danses? Non. Au film de Flubber. Flubber. Ah, ben, ah oui, c'est gentil pour tous les gros de la Terre. Bon, les taureaux. Vous dansez tellement mal que vous regardez danser dans certains pays, c'est considéré comme de la torture. Les gémeaux. Vous pensez avoir le rythme dans la peau, mais votre peau, elle s'en bat les steaks. Les cancers. Si vous deviez participer à Danse avec les Stars, la seule place disponible pour vous, c'est dans le public. Les lions. Quand vous êtes en boîte et que vous dansez, on a l'impression que dans votre tête, il y a une autre musique qui passe. Et t'as vu maintenant la mode des nouvelles soirées là, où tu mets un casque et t'as plein de musiques différentes que tu peux choisir. Mais du coup, les gens, ils dansent n'importe nawak quoi, ça n'a rien à voir, c'est scandaleux un peu. Bon, les vierges. Vous voir danser pour la première fois, c'est un peu comme regarder quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie. Balance. Le mec d'Intouchable danse beaucoup mieux que vous, et je parle pas d'Omar Sy. Fab, les scorpions. Vous dansez aussi bien que Schumacher ne skie. Sagittaire. La danse et vous, ça fait deux, comme François Hollande et la crédibilité. Capricorne. Pour vous, la danse, c'est surtout un moyen d'expression. Le problème, c'est qu'on comprend pas ce que vous voulez dire. Les Verseaux. En fait, vous êtes à la danse que Jean-Claude Van Damme est à la littérature. Et on termine avec les poissons. Ce que vous faites sur une piste de danse, c'est pas trop de la danse. Ça ressemble plus à quelqu'un qui reçoit un coup de taser. La suite du son d'Explore maintenant sur Fun Radio. C'est avec Liam Summer que ça se passe. Et juste après les infos, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. On vous envoie au terme de spa pour une petite cure bien avec massage, bain carbogazeux, l'entrée au bain, si ça vous dit de choper ce cadeau, allez-y. Vous envoyez maintenant Happy par SMS au 6322. Bonne chance tout le monde. Memories on my mind, I think of you all the time. Thought I wanted to leave but I just can't. Maybe we cross the line, I want you near for the night. assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. 19h sur Fun Radio, il est l'heure de s'informer avec Carlo Morello. Bonsoir Carlo. Salut Audrey, salut à tous. C'est la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ex-communauté française. L'occasion pour Philippe Courard de prendre la défense de la langue française lors de la séance qui s'est tenue à l'hôtel de ville de Bruxelles. Pour lui promouvoir cette langue, la cinquième parlée dans le monde, c'est la meilleure façon de rapprocher les peuples et de consolider le dialogue. Et dans ce contexte, Philippe Courard a demandé à faire la chasse aux anglicismes avec beaucoup d'ironie. Il a déclaré par exemple « Ce matin, j'étais open avant mon speech, j'ai pris mon planning pour organiser un brainstorming, etc. » Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile d'échapper à l'anglais, hein, surtout depuis Internet, et ses emails, les smartphones, les hashtags, les webcams, les smileys. Il a dit « C'était déjà vrai avant, hein, le net n'existait pas encore lors de la naissance de Fun Radio. » On parle beaucoup pour le moment d'un rachat de Brussels Airlines par la compagnie allemande Lufthansa, ce que les actionnaires belges apprécieraient très moyennement d'ailleurs. Certains d'entre eux envisageant des actions en justice. Du côté de Ryanair, par contre, l'ambiance est beaucoup plus sereine. La compagnie à bas prix irlandaise a lancé son programme d'été 2017 ce matin pour Charleroi et Bruxelles. Même que oui, nouvelles lignes sont prévues. Depuis l'aéroport Carolo, il y aura moyen de gagner Glasgow, Sofia, Toulouse et Timișoara en Roumanie. Et Ryanair connectera Bruxelles à Hambourg, Madrid, Malte et Milan. Tout ça dès l'été 2017 donc. Elle est jeune, elle est jolie, elle est intelligente. Marion Maréchal Le Pen aurait donc pu être quelqu'un de formidable. Mais bon, le bourrage de crâne, vous savez ce que c'est. Hein, quand on est entouré de fachos, il n'est pas forcément évident de se démarquer. Bref, tout ça pour dire que la petite fille de Jean-Marie et la nièce de Marine Le Pen vient de comparer les migrants à de la poussière au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. L'élu Front National a déclaré, je cite, qu'on allait éparpiller la poussière en démantelant la fameuse jungle de Calais. Point d'arrêt de nombreux migrants qui rêvent d'aller en Angleterre. Des propos qui ont fait réagir l'animateur, des hommes, des femmes et des enfants. On ne les traite pas de poussière, s'est exclamé Jean-Jacques Bourdin. Les astronomes de la NASA ont annoncé avoir détecté ce qui paraît être des geysers de vapeur d'eau sur Europe. Europe, c'est le nom d'une des multiples lunes de Jupiter, hein, sous la surface de laquelle se trouve un océan. Il paraît que les jets atteignent 200 km d'altitude, ce qui accroît la possibilité de recueillir des échantillons de cette eau sans avoir envoyé un robot faire des forages sur Europe. La NASA explique que l'océan d'Europe est considéré comme un des endroits les plus prometteurs dans le système solaire où la vie pourrait potentiellement exister. N'empêche, ce serait quand même assez dingue de détecter de la vie ailleurs sur notre petit système solaire, hein, parce qu'en toute logique, ça voudrait dire que la vie peut se développer assez facilement. On va vous envoyer au terme de spa là dans quelques petites minutes. Si ça vous dit de prendre une petite pause bien-être, allez-y, vous vous inscrivez, vous envoyez Happy par SMS au 6322. Tirage au sort, juste après le son de D-Row et de la météo, Carlo. Un temps encore très agréable de même, si nous aurons droit à pas mal de nuages en début de journée avant le retour d'un franc soleil, les températures devraient encore un petit peu augmenter, jusqu'à 22-23 degrés. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain matin à 5h30 et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de D-Row. Salut. Fun. Les prix cadeaux, le service et la qualité Krefel, c'est Krefel. Profitez-en maintenant, Krefel. Les meilleurs prix, service compris. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Mi dulce gitana la van a envidiar. Baila como diosa, así no jodas. arrive là dans l'émission jusqu'à 20h avec Sigala, Baby K, il y aura du Kungs et puis le nouveau Fifth Harmony aussi dans moins ma quart d'heure sur Fun Radio. Avant ça, on vous a dit qu'on allait vous bichonner dans cette émission avec toute l'équipe, Fab, Sandro, Alison qui sont là. On vous envoie au terme de Spa. Avec la vue sur toute la ville de Spa, avec les bains de Spa, avec les soins de Spa. Bref, c'est le pied, les copains. En plus de ça, il y a un chouette programme. Il y a à la clé un massage relaxant. Matage. Ouais, en plus de ça, vous allez pouvoir tester les bains carbogazeux. C'est une spécialité qui est propre au terme de Spa. C'est un espèce de bain en cuivre, comme ça, avec de l'eau pétillante. C'est une eau spéciale, une eau de la source super rare, qui est super bonne pour la santé. Bref, on va vous bichonner. Et on a Nancy qui est là et qui va peut-être repartir avec ce chouette cadeau. Ça va, Nancy? Oui, ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais de beau, Nancy? Là pour le moment, je fais un peu de ménage. Ah bah c'est bien, il faut que ça se fasse, hein, Nancy. Le rôle de la femme, c'est oui, bien. Voilà. Oh, on attend dans le tour des enfants. Nancy, t'as entendu ce qu'il a dit, Fab? Non. Il a dit que non. C'est normal, c'est le rôle de la femme. Mais bien sûr. Tu confirmes. Merci, Nancy. Elle se fout de ta gueule, c'est pas pareil. Bon, Nancy, tu t'es inscrite, t'as envoyé Happy par SMS au 6322. La première bonne nouvelle, c'est que je te file tes accès pour aller au terme de Spa. Alors, Nancy, maintenant, tu as la possibilité, en gros, de doubler ton cadeau. C'est-à-dire que là, t'as les accès pour aller au bain, ce qui est déjà super chouette, mais en plus de ça, t'as la possibilité de remporter carrément le massage et le bain carbogazeux. Est-ce que ça te dit de jouer à l'Happy Game? Bien sûr. Eh ben oui, c'est parti. L'Happy Game, le jeu où tu peux gagner un cadeau, voire deux, voire rien du tout. Ah, c'est ça. À toi de faire le bon choix. Bon alors, Nancy, le principe du jeu aujourd'hui, il est simple dans l'Happy Game. Tu vas devoir affronter quelqu'un de l'équipe au jeu des couleurs. Je vais donner une couleur, et puis chacun à votre tour, vous allez me donner un truc qui est de cette couleur-là. Tu peux affronter qui? Tu veux Fab, Sandro, moi ou Alison? Toi? Moi? Ouais. Ah, parfait. C'est ça, moi je suis méga mauvaise à ce jeu. Ouais, t'as raison, elle est daltonienne, tu vas gagner. Bah arrête. Bon alors, du coup, pour pas que je triche, Fab, donne la couleur. Le gris. Le gris. Il y a plein de trucs de gris. Nancy, un truc qui est gris. Oui, une souris. Une souris. Ah, bonne réponse. Ah, c'était le truc auquel je pensais. T'es chiante. Oh, attends, un truc en gris. Qu'est-ce que j'en sais, grizzly. Moi, gris. Un grizzly? Non, ça, c'est blanc. C'est ça? Je sais pas quelle couleur c'est. Allez, attends, un truc gris. Les cheveux de mon père, ça marche? Bonne réponse. Bah quoi, c'est bon. Nancy, à toi. C'est genre gris. Je vois toujours rien gris. Ouais, ouais. Une route. Ah ouais. Ah ouais, la route, le c'est tarmac. Gris. Ouais. Attends, gris. Gris, qu'est-ce qui est gris? Alison. Je gagne du temps. Non, ça c'est aigri. Non, mais c'est vrai, elle a les cheveux gris. Ça veut dire, mais non. Bon, alors attends. Un truc gris. Allez, aidez-moi. Il n'y a plus rien de gris. Non, peut-être pas, tu te démerdes, chacun son truc. Allez, il y a plein de trucs. Allez, cherche, c'est facile. Vous me mettez la pression, ça m'énerve. Attends. Attends, je regarde autour de moi en fait, j'ai trouvé des trucs. Un truc gris. Oh, c'est bon, je sais plus. C'est bon, allez, comme ça. Allez, 5 secondes. Allez, maison de retraite. Ouais. Non. Ah non. Non, si, c'est gagné. Ouais, génial. Merci Audrey, parce que là, franchement, il y avait plein de possibilités. Et tu te fous de ma gueule en plus, hein? C'est genre, Nancy, elle est là, elle fait merci d'être mauvaise, merci. Nancy, félicitations, tu repars avec un petit programme bien sympa là au terme de Spa. Donc, écoute, t'en profites et puis tu nous envoies des petites photos, des vidéos, mais si t'es habillée seulement. Oui. Hein, parce Nancy. Ah non, on aime bien. Nancy, je dis ça, je dis rien, mais il y a une partie où tu peux y aller à poil si tu veux. Oh là là. Ah, voilà, ok. Nancy, je te fais des gros bisous. Passez une bonne soirée sur Fun Radio. Bisous, Nancy. La suite du son Dancefloor. Maintenant, c'est avec Sigala que ça se passe. Et juste après, c'est Baby K qui débarque sur Fun. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. You give me searching around. I can't do this anymore. So give me your love. In testa, abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da me. Stacca dal tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia. Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando. Andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere senza sapere quando. Soirée sur Fun Radio, la suite du son. Yeah baby, c'est bon ça, c'est Kungs qui arrive sur Fun Radio avec Don't You Know. Il y aura aussi Fifth Harmony, mais d'abord c'est parti, c'est la baston à la maison, on va y avoir de la fight. Si vous aviez déjà envie d'étrangler votre petit frère avant, ça va pas aller en s'arrangeant. C'est baston à la maison dans la pierre. Et j'ai reçu un petit message de Mike sur ma page Facebook, Audrey qui a envie d'énerver son amoureuse. Bonjour Mike. Bonjour Audrey, salut l'équipe. Hello. Ça va bien Mike? Ça va bien et toi? Bah écoute, ouais, je savais pas que c'était du genre à faire des salvanes comme ça, toi. Bah alors, qu'est-ce qu'elle t'a fait, ton amoureuse, pour que t'aies envie de la piéger? Bah rien de spécial. Je me doute que tu préfères les demandes en mariage comme ça. Ah non, non, non. Audrey Lambert, tu sais. On adore les petites bastons à l'antenne de Fun Radio, tu sais. Bon, Mike, bon, qu'est-ce que tu veux lui faire croire à ton amoureuse? Bah, j'aimerais bien lui faire croire que je l'aime plus et que et qu'il y a une autre fille qui a des sentiments pour moi et qu'elle lui dise en matin, en fait. Oh, attends. C'est dégueulasse. Tu sais ce qu'on peut faire, Mike? On va appeler ton amoureuse dans quelques minutes sur Fun Radio. C'est moi qui vais l'appeler. Je vais lui faire croire que, voilà, on s'est rencontrés, que t'es amoureux de moi. Et si jamais, genre, elle croit pas, je te mets à l'antenne en même temps, genre, t'es tout près de moi, tu vois, et tu confirmes. Oh, ça va l'énerver. Ça. Comment elle s'appelle? Que tu fasses passer pour un autre prénom, alors? Ouais, hein. Ouais. Joséphine, c'est bien ça, non? Tu veux que je m'appelle comment? Pourquoi, elle écoute l'émission? Bah, je sais pas, moi, genre Julie ou Coralie. Audrey Fun Radio, elle connaît. Donc, ah, bah t'inquiète, je vais pas dire ça. Hein. Oui, bonjour. Bah, tu sais quoi, on va dire que je m'appelle Julie, d'accord? Ouais, pas de soucis. Et ton amoureuse, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Madison. Madison, parfait. Et bah, tu sais quoi, on va appeler Madison, on va lui faire croire que t'es tombé fou amoureux de Julie, en l'occurrence moi-même. Si elle s'énerve, si elle pète un câble de fou, tu repars avec du cadeau Fun Radio.

I'm gonna rock you back. Dig it now. New music, découverte Fun Radio. Avec vous jusqu'à 20h avec le son de Félix Jane qui arrive. Ça sera juste après le tic-tac-boom. L'heure de la revanche a sonné. T'as 30 secondes pour trouver un max de mots. Si t'échoues, tu repartiras avec l'autocollant de la honte. C'est le tic-tac-boom sur Fun Radio. Ouais, le tic-tac-boom et c'est Dolores qui va venir jouer avec nous aujourd'hui qui vient de la Louvière. Bonjour Dolores. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Et tu fais quoi comme boulot toi Dolores? Pour l'instant, je travaille pas. Ah bah c'est bien. Je suis à la maison, je m'occupe des enfants. Ah bah ah, ça oui. c'est du boulot à plein temps ça. Ça doit être fatigant. C'est le meilleur boulot du monde. Ah bah ouais, mais t'en as combien? 12. Deux. Non. Oh, là, là, là, là. Le meilleur, c'est quand tu les fais, c'est pas quand ils arrivent. Bah oui, mais ça, évidemment, ça c'est réflexion de mec. Bon, Dolores, tu vas venir jouer avec nous au Tic Tac Boom. Le principe, il est simple. Okay. Il y a une liste de mots à essayer de deviner, un maximum de mots, mm-hmm. comme ça celui qui en devine le plus, bah il gagne la partie. D'accord, Dolores? D'accord, ok. Bon, alors tu veux faire équipe avec qui, Sandro ou Fab? Avec qui? Avec Sandro ou Fab? Allez, on va dire Sandro, c'est le nom de mon frère. Oh, bah, c'est pas spécialement une bonne nouvelle, tu sais. C'est ça. C'est... Voilà. Bon, Dolores, c'est noté. Tu fais équipe avec Sandro. Et on va faire un truc aujourd'hui, Fab. Ouais. Je vais jouer avec toi. Oh, mais non. Allez, j'ai envie de jouer. À chaque fois que tu vas jouer, je veux participer aussi. Donc, Dolores, on est concurrentes, d'accord? Ça rigole pas ici. Bon, c'est parti. Attention, Dolores, c'est toi qui commences. Dans l'équipe de Sandro, 3, 2, 1, c'est parti. Alors Dolores, quand on se fait piquer, on a des boutons et c'est jaune, c'est l'insecte, ça vole, ça fait du miel. Moustique. Non, ça fait du miel, voilà, parfait. Au foot, ils ont besoin de ça pour jouer. Ballon. Parfait. C'est vert, c'est un fruit. Pomme. Non, petit. Poire, un petit fruit vert, citron, je sais pas. Non, l'autre. Ah, c'est vert, on met une cuillère dedans. Ah, mais dis, t'es con, c'est pas vert. Oui. Mais oui, mais c'est brun. Bah, c'est vert à l'intérieur. Vert. Ah oui, mais non. Brun à l'extérieur, vert à l'intérieur. Bah, ouais, c'est ça. Bon, Dolores, bravo, ça fait combien de points? Ça fait 2. 2 points. 2 points, donc il faut que je réussisse à faire 2. Et en même temps, je suis tellement mauvaise, Dolores, que c'est fort probable que tu gagnes la partie. Faites-moi gagner. Attends, il y a femme, regarde, mais genre, je vais te buter si tu n'y arrives pas, j'ai un coup de pression là. Bon, allez, attention. 3, 2, 1, c'est parti, go. Alors, le premier mot, c'est sur ma gueule que ça tombe. C'est le médecin des femmes qui regarde votre zézette. Gynécologue. Bravo. Yes. Les ambulances, elles emmènent les malades à. À l'hôpital. Bravo. 2 points, oui. Tu as des maisons avec un grand truc vert tout autour, ça s'appelle hein. Un jardin. Bravo. Quand tu vas au resto, tu appelles là pour prendre ta commande. Là. Eh ben là. Là. J'appelle quoi? Je sais pas moi, la serveuse. Bravo. Ouais. Pour zapper à la télé, tu as besoin d'une. D'une zapette. D'une télécommande, pardon. Merci. trop tard, c'était sur le gong. Oh, ça fait combien de points du coup? Si tu valides télécommande, ça fait 5. Non, ça fait 4 points. Alors. Bon, hey, c'est quoi, Dolores? Ça compte pas vraiment, puisque en fait, je peux vous dire la vérité. Quoi? Dis-nous la vérité. J'avais vu les mots. Oh là là. T'es une sale tricheuse. Tricheuse. Ah bah, du coup, c'est Dolores qui gagne. Ouais. Bravo Dolores, tu repars avec du cadeau. Merci. Fun Radio. Merci d'être venu faire la discussion là. La discussion, jouer avec nous. Merci beaucoup. Gros bisous Dolores. Merci, bisous, salut. Bonne soirée à toi. On va enchaîner avec le son de Felix Jane sur Fun Radio. Et juste après, on va se faire la baston à la maison. Et si vous venez de vous brancher, Mike, il a envie de piéger son amoureuse. Il va lui faire croire qu'il est tombé éperdument amoureux d'une autre fille. En l'occurrence, moi, je vais me faire passer pour Julie. Je vais lui dire, maintenant c'est fini. T'es piqué ton mec, faut arrêter de faire chier, quoi, meuf. Bon, la suite du son maintenant, c'est avec Felix Jane. Et juste après, on revient avec Baston à la maison. I can hear the whispers about me. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Make your rain, you're trying to pull my fire out. You feel better now, yeah. Spill your hate, bring your wisdom, throw it right into my flame. bitches. Let them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spinny hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Fleur continue sur Fun Radio avec Zach Noël featuring Sean Paul. C'est Trumpets qui arrive sur Fun Radio. Il y aura aussi Mo pour la suite du son Dance Floor. Tout ça, ça arrive juste après. Baston à la maison. Non mais ça va pas. C'est une blague. Il va y avoir de l'animation le soir à la maison. C'est Baston à la maison sur Fun Radio. Bah, j'espère que ce sera moins violent que dans le jingle en tout cas. Hein. Si vous venez de nous rejoindre là sur Fun Radio, bah déjà bienvenue, ça fait plaisir. On va se faire la baston à la maison. Mike, qui est passé à l'antenne, a envie de piéger son amoureuse et lui faire croire que bah, c'est fini entre eux. Il a plus de sentiments, il est plus amoureux. C'est dégueulasse et de faire ça, mais c'est drôle. Il est tombé amoureux d'une certaine Julie. En l'occurrence, ça sera moi. Je vais me faire passer pour sa nouvelle amoureuse et on va la piéger. Hein. Madison, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, c'est sa petite copine. Madison. C'est ça. Bah, c'est parti. On appelle Madison. Je me fais passer pour Julie et je lui fais croire que bah, c'est fini. Je lui ai piqué son mec. Elle va péter un câble, la meuf. J'imagine si on me fait un truc comme ça à moi un jour, tu vois. Toi, t'as je peux pas devenir de mec. Violent. Mais si j'en avais un, je serais vraiment méchante. Allez, c'est parti. Vraiment. Allô ? Oui, bonjour, je peux parler à Madison ? Oui, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Julie, je te dérange pas trop ? Non. En fait, j'ai eu ton numéro par Mike. Oui. Parce que c'est un peu délicat de te dire ça. Je suis un peu gênée, mais à un moment donné, il faut mettre les choses au clair, quoi. Tu vois, moi, je commence vraiment à péter un câble. Ça fait 3 mois que je suis avec lui et je viens d'apprendre qu'il avait une copine, quoi. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Et là, je l'ai confronté au truc parce que il arrêtait pas de me dire que il était tout seul. Quand j'ai appris qu'il était avec toi, je lui ai dit maintenant, faut que tu la quittes. On peut pas. Enfin voilà, quoi. Tu vois, il peut pas être sur 2 dossiers en même temps. Moi, en plus, j'ai des sentiments pour lui et tout. Il m'avait promis qu'on allait prendre un appart. J'ai vu que ça traînait et tout, puis j'ai chopé ton numéro dans son téléphone. Ouais, quand même. Je l'ai forcé, hein, parce que là, il est près de moi. Ah, parce que je savais bien que t'allais pas me croire, donc je lui ai dit que je voulais qu'il soit là quand je t'appelle. Bah, passe-le-moi. Mike, viens. Allô. 2 secondes, s'il te plaît. Ouais, donc tu veux bien dire maintenant, s'il te plaît, à ta meuf qu'on est ensemble, parce que je commence vraiment à avoir ras le cul, quoi. Bah, Madison, tu te souviens que je te disais que je cherchais un appart et tout, là. Mm-hmm. Bah, en fait, ouais. C'était pour. Je savais pas comment te le dire, mais c'était pour. C'était pour parce que j'avais rencontré Julie il y a quelques temps et voilà, en fait, c'est ma gueule, je sais pas comment te le dire, donc bah non, bah, je préfère te le dire maintenant que trop tard, donc Ah, et la poussette qu'on a achetée pour notre enfant qui va venir en 2017, c'est quoi? Bah, au pire, c'est une blague. Attends, on verra plus tard et Mike, voilà. Tu te fous de ma gueule? Tu m'as dit que c'était fini avec elle. Bah, j'ai pas encore dit ça, donc laisse-moi le temps de lui dire et puis voilà. Attends, Madison, moi je m'en fous, hein. Gosse ou pas gosse, moi je suis avec Mike maintenant, donc faut arrêter maintenant. Et c'est quoi ce mytho? T'es pas enceinte? C'est quoi ce délire? Attends, il est sérieux? Lui, il a acheté une poussette il y a une semaine avec moi. Mais pourquoi faire? T'as acheté une poussette pour ton chien? Enfin, c'est quoi? T'as pas de gosse, quoi? Il a voulu l'acheter pour justement que j'arrête ma pilule, donc à un moment donné, faut arrêter. Ouais, mais donc t'es pas enceinte, c'est ce que je dis, donc faut arrêter d'essayer de le garder parce que t'inventes un truc, quoi, tu vois? Enfin, maintenant on est ensemble. Donc Mike, tu te fous de ma gueule, quoi, c'est bon? Tu m'avais dit qu'on allait l'appeler pour lui dire, maintenant faut arrêter. Bah, la poussette ce sera pour nous pour plus tard, donc voilà. Attends, t'es sérieux? Toi déjà t'es au travail, tu fais ton gros malin. Attends, tu te prends pour qui? Ah, il est pas au travail, il est avec moi, ouais. Donc il t'a fait croire qu'il est au boulot, mais on est ensemble, donc déjà... Ah oui, à 10h il était devant chez moi avec son bus. Chez nous. Bon, écoute Madison, moi j'ai forcé, je l'ai forcé parce que je voulais qu'il te dise la vérité. Maintenant, voilà, tu sais ce qu'il en est et enfin, va falloir s'arranger pour qu'il vienne rechercher ses affaires et tout, quoi. Bah, qu'il vienne, mais il a 10 minutes, pas plus. Bah, pourquoi? Mais genre, attends, mais c'est une blague, pourquoi 10 minutes? J'ai pas que ça à foutre d'être un gros connard comme ça, on est d'accord. J'ai ma fille qui est là de 2 ans, qui est avec moi, je pense que c'est pas vraiment une situation pour elle, donc ça, tu viens maintenant, oui, qu'elle aille se faire foutre, c'est tout. Bon, bah, Mike, tu fais quoi? Tu vas chercher tes affaires? Je vais venir dans pas longtemps, ouais. Il vaut mieux pour toi. Je m'enferme pas dehors, je veux bien. Il vaut mieux pour toi. Attends, il vaut mieux. J'arrive dans... dans 10 minutes maximum, quoi. Non, je cours ta personne mal, non. Ouais, enfin, c'est bon, hein, Madison, bah, tu vas pas commencer à faire chier, quoi, tu vois. Ouais. C'est bon, quoi. Bon, en plus de ça. Qui va te faire, hein, déjà de hall. Déjà, tu me parles pas comme ça, ça va, ok. Et attends, je t'explique un truc, c'est grâce à moi qu'il t'appelle, ça va, donc tu me parles pas comme ça, ok. Eh bien, tant mieux, voilà, vous avez gagné, j'en ai rien à foutre, j'ai ma fille de 2 ans qui est à côté de moi. T'en as rien à foutre? Eh bien alors, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? S'il n'a pas le temps de passer maintenant, hé, tu m'écoutes quand je te parle, ça va? S'il n'a pas le temps de passer maintenant, c'est bon. Déjà, tu vas te calmer. Mais d'où je me calme? C'est vrai que c'est une grosse couillonnade, alors déjà, tu vas te taire de hop. Une grosse couillonnade de quoi? J'ai pas que ça à foutre. Une grosse couillonnade de quoi? Mais attends, tu vas voir quand je vais débarquer avec lui si c'est une grosse couillonnade. Ben, viens, je t'attends. Ah ouais, comme ça. Bon, de toute façon. Tu es avec Julie maintenant? Ben, j'ai pas peur, oui. Viens. T'attends, y'a aucun problème. Mais qu'est-ce que t'as à voir? Oh, c'est bon, c'est quoi, Mike? Laisse tomber, ça en vaut. Elle en vaut pas la peine, laisse tomber, c'est bon. Pff. T'avais raison sur tout ce que tu m'as dit, hein. Tu sais quoi, t'as bien eu raison de la quitter, hein. Au secours. C'est genre, vaut pas la peine, ouais. Pourquoi t'as peur? Bah, c'est ce qu'il m'a dit, hein, je sais pas, hein. En même temps, s'il est plus avec toi, c'est qu'il y avait des raisons. Bah, tant mieux pour lui, hein. De toute façon, on va arriver, Julie et moi, on va arriver dans 5 minutes et Julie reste dans le bus, et puis moi, je viens chercher mes affaires, et puis voilà. Bah, t'as 5 minutes de maintenant, sur ce, salut. Eh bah, parfait, on arrive dans 5 minutes. On arrive dans 5 minutes. Ah, elle a raccroché. Attends, Mike. Mike, t'es un malade, ouais. T'es fou, elle va m'en vouloir. Bon, attends, Mike, parce qu'il y a sa filleule, sinon elle aurait, à mon avis, elle aurait pété un câble. Attends, Mike, ce qu'on va faire, c'est parce que là, elle se doute pas que c'est une vanne, même si 2-3 fois elle l'a dit quand même, hein, mais fou, et j'ai été bonne ou pas? Ah non, ouais, c'était une peste en fait. Bon, Mike, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rappeler. On va la rappeler dans quelques minutes sur Fun Radio. Juste le temps d'écouter maintenant Sac Noël avec Sean Paul. On va la rappeler et on va lui dire que c'était une vanne quand même. T'es d'accord, Mike? Bah, on va faire tourner les chiens, donc ouais. Bah ouais, ce serait vraiment pas cool. Allez, on rappelle ton amoureuse Madison dans quelques minutes sur Fun Radio, histoire de la rassurer. On se fera ça juste après le son de Sean Paul maintenant sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est la baston à la maison dans la Piwar. On est avec vous jusqu'à 20h, bougez pas. C'est la gala with the big tic-tac, she fait gimme the. Head to the floor, girl, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste some time, girl, gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy. And them say you have the comedy. So me won't get some and come trouble. Bust two buckle of the bubbly. Call in two friend and then double. Girl so hot she a bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Body look good girl you ever be winning it. Turn it up right girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pony body me take up a permanent residence. Trumpets blow. We'll be right back. aller jusqu'à 20h. Je vous ai calé le son de Mo avec Final Song sur Fun Radio. Il y aura aussi le nouveau Tiesto et puis Maître Gims, c'est tout donné qui arrive sur Fun Radio. Ça sera juste après ça, la baston à la maison. Non mais ça va pas, c'est une blague. Il va y avoir de l'animation le soir à la maison. C'est baston à la maison sur Fun Radio. On va quand même rappeler Madison, l'amoureuse de Mike. Si vous venez de vous brancher, Mike avait envie de la piéger là. Du coup, je me suis fait passer pour sa nouvelle amoureuse. Mais comment dire, oh, elle avait l'air mais vénère. Moi, je trouve qu'on devrait laisser comme ça. Comme ça, elle a le temps de niquer tous les vêtements de Mike. Et... Est-ce que Mike... il est toujours là. Il est encore là. Mike, on va rappeler maintenant Madison. Et bon, tu lui dis que c'était une vanne. Hein. C'est toi qui lui dis, hein, d'accord. moi, je fais plus rien. T'es dans la merde, bon, merci, mec. Tu me laisses la merde, merci. Eh bah attends, c'est toi qui fous le bordel. Hein. Allez, t'as des objets de valeur à la maison, Mike. Ça se trouve, et non, imagine, elle est en train de découper tous ses vêtements et tout, et franchement, cacher la PlayStation. Parfois, les meufs, quand elles se font larguer, elles ont des attitudes cheloues, hein, Mike. Tu es dans la merde. Je pense que t'as pris des risques. Moi, j'ai vu une vidéo sur internet, il y avait une meuf qui avait tout pété, genre écran, ouais. MacBook. Moi, j'ai déjà coupé les vêtements de mon mec. T'es dégueulasse. Je te jure, tant que c'est les vêtements, ça va. Ouais, mais. Allô? Ouais, c'est moi. Quoi? T'as pas mis mes affaires dehors, j'espère. Merci. Moi, tu crois quoi? Tu sais très bien quand je suis nerveux, ça va vite. C'est Michael, tu m'en pour qui? Ouais, je sais bien. Tu m'en veux? Attends, tu veux que je ne t'en veuille pas? C'est une blague. Bon, tu veux que je t'avoue un truc? J'ai même pas envie que tu viennes me faire chier, Michael, là, c'est bon. Bon, c'est bon, t'es en direct sur Fun Radio. C'est une blague. Madison, je m'appelle pas du tout Julie, en fait c'est Audrey de Fun Radio. Ah, je suis désolée ma chérie, je te jure, Mike il nous a appelé, il voulait te faire une sale blague. Il t'aime. Ouais, j'en suis pas sûre, parce que quand on fait des blagues comme ça, c'est dégueulasse. Oh Madison, t'es rassurée? Ouais quand même, mais c'est un enfoiré. Ah, c'est un pas qui se mange très froid. Oh, j'adore. Eh hey, Madison, franchement... Je suis d'accord avec toi, sérieux, venge-toi quoi, ma chérie. À un moment donné, c'est dégueulasse ce que t'as fait, Mike. C'est sûr. Bon. Là, c'est sûr, certain. Mike. Pense que là, il va... C'est mal barre, mon gars. Non, non, c'était une vanne, hein, Madison. D'accord, tu lui en veux pas quand même, c'était pour rigoler. Bon, après, ça a dû te faire un petit choc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est là, il est amoureux, il a pas d'autres amoureuses non plus, donc ça, c'est cool. T'inquiète, il a pas revendu la poussette. Ouais, quand même, ouais. Madison. Je préfère t'entendre rigoler quand même. La pauvre, j'avais mal au cœur en le faisant, sérieux, je me mettais à sa trash, place. N'empêche avec elle. Hein. Bah ouais, je suis désolée Madison, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous repartez tous les deux avec du cadeau. Ouais, ouais. De rien Madison, Mike, Madison, là, je vous fais des gros bisous quoi. Ça va, je vous enverrai le petit moment, comme ça vous fera un souvenir. Pour le mariage, ça peut être bien. Ouais, vaut mieux, ouais, parce que là, j'en trempe plus haut. Oh la pauvre, je vous fais des gros bisous les amoureux. Si vous aussi, vous voulez participer parfois à Baston à la maison, et c'est simple, vous venez m'envoyer un petit message sur ma page Facebook Audrey, et nous derrière, on s'occupe du tout avec en plus du cadeau Fun Radio à la clé. Côté son dance floor maintenant, c'est reparti pour aller jusqu'à 20h, avant de retrouver Dylan pour Fun Radio Connected. On vous a calé Mo, il y aura nos nouveaux Tiesto aussi. Et puis Maître Gims. Ah, Maître Gims, ça va aller. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. On a lancé ce matin sur Fun Radio le hashtag qui n'a jamais. Gawel qui a posté qui n'a jamais curé son nez et collé le pitou sous le canapé. Le mot pitou va me faire les jours. J'ai vu ça, qui n'a jamais fait pipi en éternuant. À part ma grand-mère, je vois pas. Non. Pardon, excusez-moi, c'est pas sérieux. Il y en a, il est pas crade. Je vous jure, mais le mec il se lâche. Qui n'a jamais essayé le soutif de sa mère? Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. The best radio. My station, Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a roll. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Your heart.

Nouveauté, New Music, découverte Fun Radio. À partir de 20h, c'est Dylan qui va prendre les commandes de Fun Radio pour Fun Radio Connected. On va vous laisser avec le tout nouveau son de Tiesto, hein. C'est la première fois qu'on vous le passe ici dans la P.O.R. On vous dit à demain, 17h. À demain, ciao, ciao, ciao, ciao. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? Big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. Chaque jour entre eux. Tout le monde s'écrit, s'écoute, s'informe. Salut à tous. Se dispute, trouve l'amour, se la pète en faisant le plus beau selfie. Chaque soir, on active les comptes. Venez passer vos messages. Page Facebook officielle, Snapchat et Twitter avec le hashtag FunConnected. Ou par téléphone au 02 851 4x0. 5, 4, 3, 2, 1. Connexion. Fun Radio Connected, 20h-22h, avec Dylan. Ça démarre maintenant. La connexion avec vous tous de l'autre côté de la radio, ça démarre effectivement maintenant. Bienvenue tout le monde, mardi 27 septembre, en deuxième jour de la semaine. J'espère que vous avez bien profité de cette belle journée. Il a fait plutôt chaud là partout en Belgique. Vous étiez pas mal à venir nous rejoindre sur la page Facebook. Vous m'avez envoyé quelques petites photos au bord d'une petite piscine tranquillement dans le jardin, histoire de profiter des derniers jours du beau temps. Eh bien, si vous venez de découvrir l'émission, déjà soyez les bienvenus. Voilà, moi je suis là avec vous jusqu'à 22h. Je m'appelle Dylan et je suis un petit peu votre messager. Alors voilà, l'idée c'est